Benko, et le matin sans le chocolat. Maman, rachète-moi du Benko. Bon petit gars. Et il y a un turbo dans mon bol. Benko ne contient pas de paradésoxybenzoate. Ou alors, très peu.